franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une affaire hallucinante, le pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Au mois d'août 1951, cette petite ville du sud de la France, Pont-Saint-Esprit donc, est la proie d'un mal mystérieux. 300 de ses habitants tombent brusquement malades. L'éventail des symptômes est large et personne ne comprend ce qui se passe. Au fil des jours, la situation s'aggrave. Certains malades sont terrassés par des accès de folie, d'autres sont pris d'hallucinations. Une trentaine d'entre eux seront même internés à l'hôpital psychiatrique et d'autres en mourront. Très vite, la presse s'empare du dossier. De drame régional, l'affaire de Pont-Saint-Esprit s'invite à la une de la presse nationale. Et les témoignages d'horreur se succèdent. Au point qu'un grand quotidien de l'époque finit même par se demander si ce n'est pas le diable qui est derrière toute cette affaire. À Paris, les autorités sont inquiètes. En province, la population a peur. De leur côté, les enquêteurs piétinent et le mystère du drame de Pont-Saint-Esprit aujourd'hui encore demeure. Mais en 2007, un journaliste américain affirme que les habitants de la ville auraient été victimes d'une expérience secrète menée par la CIA. L'hypothèse est invérifiable, pas loin de la théorie du complot, mais elle en dit long sur l'intérêt que suscite ce dossier constitué de stupeur et tremblement. Après le récit, pour revenir avec nous sur cette affaire, nous avons invité Steven Kaplan, historien, professeur d'histoire européenne à l'université américaine de Cornell. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur le rôle et la symbolique du pain. Il a écrit le livre intitulé « Le pain maudit, retour sur la France des années oubliées 1945 jusqu'à 1958 » paru aux éditions Fayard en 2008. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'aide des documentalistes de Radio France. Attachée de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pierrard, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Mehdi Fatah. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Rentrant d'un périple de 40 000 km qui le mena de capitale en capitale à travers les deux Amériques, le ministre du ravitaillement, M. Pinault, ramenait aux Français des espoirs, des promesses et des certitudes. Pour cette France où les biens les plus primitifs sont devenus rares, les États que la guerre ou l'occupation ont moins appauvris ont accepté de faire un effort considérable. Le Canada et les États-Unis commencent à charger à destination de nos ports le blé qu'ils nous livreront mensuellement à raison de 140 000 tonnes pour la métropole et 200 000 tonnes pour l'Afrique du Nord. Au début de l'été 1947, la France vit une situation difficile. Meurtrie par la Seconde Guerre mondiale, le pays doit se reconstruire. Mais il doit avant tout se nourrir. Épuisée, désorganisée, la filière agricole n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de 40 millions de personnes. Partout dans l'Hexagone, on assiste à une pénurie de matières premières. Cette crise provoque émeutes et soulèvements. Pour éviter que la situation ne dégénère, les responsables politiques se mobilisent. On achemine une importante aide alimentaire de l'étranger. Au même moment, dans les rues et sur les étals des marchés, le pays livre bataille contre un fléau qui le gangrène, le marché noir. Puis, très vite, la nation signe un nouveau contrat social avec sa population, le contrat de subsistance. L'objectif étant d'assurer le ravitaillement alimentaire pour garantir l'ordre public dans les villes et les campagnes. Pour y parvenir, l'État impose une politique dirigiste aux acteurs des différentes filières d'approvisionnement et de production de céréales. Le gouvernement fixe les prix, les quotas, gère les monopoles et prend les décisions. Au cœur de cette politique nourricière, on trouve un aliment symbolique, le pain. Véritable ration de survie, il constitue depuis plusieurs siècles la principale source de calories dans l'alimentation. Mais en cette année 1947, la mie et la croûte, elles aussi connaissent la crise. En France, en attendant la prochaine moisson, la bataille du pain se fait dure. On a revu les boulangeries fermées et ses attentes interminables. Il appartient aux paysans français de faire un nouvel effort. Cet effort, ils l'ont entrepris. La nuit, à la lueur des phares, les tracteurs roulent dans les plaines de Beauce et de Brie. Il s'agit d'activer les travaux pour hâter la récolte, pour emblaver plus d'hectares. Et 24 heures sur 24, les tracteurs roulent. Labourer la nuit, semer le jour, dimanche compris, le paysan de France n'épargne rien pour gagner la bataille du pain. Bataille silencieuse mais grandiose. Les Français auront-ils du pain toute l'année? C'est là l'enjeu. En l'espace de quelques mois, la bataille du pain devient le cheval de bataille des autorités. Très vite pourtant, le pacte républicain se brise aux yeux des Français. D'un département à l'autre, en effet, en fonction des ressources en blé, on constate que la farine n'a pas les mêmes propriétés. En fonction du lieu, le goût du pain change. Dans les zones où l'approvisionnement en céréales est le plus difficile, on est obligé d'en importer. C'est le cas notamment dans le sud de la France, où l'absence de réelle concurrence entre meuniers et la fixation administrative de prix de vente donne un pain de très mauvaise qualité. De son côté, l'État se lance dans une gigantesque opération de communication. Le pain est bon, peut-on lire sur des encarts de la presse. La midi matin, c'est le pain, peut-on voir sur des affiches dans les centres des villes et villages. Et preuve que le sujet est à ce point sensible, on réquisitionne même des soldats pour remplacer les boulangers en cas d'absence de l'artisan. Ainsi, au tout début des années 50, rien ne doit entraver la présence du pain sur les tables françaises. Et c'est dans ce contexte qu'à la fin de l'été 51, survient une série d'étranges phénomènes dans la région d'Avignon. En l'espace de quelques jours, les habitants vont accuser le pain d'être maudit. Samedi 25 août 1951, route nationale 86, département du Gard. Depuis le début de la matinée, la circulation est interrompue à hauteur du village de La Motte-sur-Rhône. Sur place, plusieurs camionnettes bleues de la gendarmerie font barrage. La scène est inhabituelle. Les riverains sont inquiets. Officiellement, il y aurait eu un accident, plus loin. Officieusement, le bruit court que les gendarmes seraient là suite aux étranges événements survenus la nuit dernière. La veille, en effet, à tout juste un kilomètre de là, de l'autre côté du Rhône, dans la commune voisine de Pont-Saint-Esprit, on raconte que les habitants seraient devenus fous, oui, fous. De nombreux témoins affirment que peu avant minuit, des cris et des hurlements résonnaient dans les petites rues de cette cité médiévale. Puis, en l'espace d'un quart d'heure, une dizaine de personnes seraient sorties de chez elles en appelant au secours. Déboussolées, terrorisées, certaines auraient prétendu être poursuivies par des démons. Parmi les histoires qu'on raconte, il y a la mésaventure vécue par un ouvrier du canal. Cet homme, Gabriel Validir, aurait été victime d'une crise de paranoïa violente et soudaine. Il aurait quitté son domicile pour tenter d'aller se jeter dans le Rhône. « Je suis mort, ma tête est en cuivre et j'ai des serpents dans le ventre », aurait-il hurlé à ceux qui tentaient d'en empêcher. Réveillé par toute cette agitation, le maire de la ville, Albert Hébrard, appelle la préfecture en pleine nuit. Des renforts de gendarmes et de pompiers sont alors envoyés à Pont-Saint-Esprit. L'un des officiers, le capitaine Bertrand, témoignera plus tard, face à la presse, de ce que ces hommes et lui ont vu. Lorsque nous sommes arrivés sur place, il régnait une atmosphère étrange. Partout, les lumières des maisons étaient allumées. Personne ne dormait. Le maire, M. Hébrard, était dehors, dans la rue, et tentait de rassurer les habitants. Certains s'étaient barricadés chez eux et ne répondaient pas à nos sollicitations. Alors que nous marchions dans la vieille ville, au détour d'une ruelle, soudain, nous avons entendu des cris. On s'est alors précipité et là, on a découvert un homme d'environ 40 ans, à moitié nu, les bras et les jambes attachés sur une charrette. L'individu hurlait. À côté de lui, deux hommes du même âge essayaient tant bien que mal de le ramener à la raison. Un peu plus loin, une femme courait près des fontaines en braillant des paroles totalement incompréhensibles. On aurait dit qu'elle était possédée. Je vais vous dire, j'étais pétrifié, car je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. On aurait dit qu'une hystérie collective s'était emparée de la ville et qu'on vivait en plein cauchemar. On transporte alors les malades, de gré ou de force, dans des ambulances ou à dos d'hommes jusqu'à l'hôtel Dieu. Une fois là-bas, on les installe sur des lits de fortune. Certains sont attachés, d'autres sont mis aux camisoles. Sur place, le personnel médical est débordé. Puis, alors qu'on pense que la situation est enfin sous contrôle, vers 1h du matin, tout bascule. Sans qu'on sache pourquoi, des malades se lèvent de leur lit, certains déchirent leurs draps, d'autres se frappent la tête contre le mur. Certains courent et crient dans les escaliers. Par la fenêtre, on aperçoit plusieurs d'entre eux qui prennent la fuite par les jardins. La folie semble s'être emparée à son tour des couloirs de l'hôpital. Oui, l'affaire tourne au cauchemar. Au petit matin, une procession sinistre d'ambulances civiles et militaires arrive à l'Hôtel Dieu. Une fois ligotés, on transfère les personnes les plus atteintes vers les hôpitaux psychiatriques de la région. En tout, une trentaine d'entre elles présentent des symptômes graves de démence. Puis les véhicules repartent, toutes sirènes hurlantes. Les habitants regardent la scène derrière leur volet bien caché. Dans la ville, les portes restent closes. Les rues, d'habitude si animées, sont vides. Et tout le monde s'interroge, que s'est-il passé la nuit dernière ? S'agit-il d'une punition divine ou d'un coup des anges de l'apocalypse, comme l'insinue déjà la presse ? En réalité, tout a commencé une semaine plus tôt. Vendredi 17 août, dans la matinée, plusieurs dizaines de personnes prennent d'assaut les salles d'attente des trois médecins de la ville. Dans leur grande majorité, les patients se plaignent de troubles digestifs. Les docteurs Gabay, Vieux et Chalac constatent que certains présentent des symptômes plus inquiétants. Maux de tête, vertiges, picotements et tremblements. Après examen, il apparaît que leur cœur bat à moins de 50 pulsations par minute et que leur température et leur tension artérielle sont très basses. Le phénomène intrigue les médecins. D'autant que ce mal étrange atteint souvent 4 à 5 personnes par famille. Autre particularité, il touche aussi les animaux domestiques. On constate que les chats et les chiens des environs présentent des troubles du comportement. Dans leur cabinet, les trois médecins s'interrogent. Pourrait-il s'agir d'une intoxication ? Et si oui, quelle en est l'origine ? Samedi 18 août, les gendarmes prennent l'affaire en main. On auditionne les malades, on interroge les voisins. Au micro de journaliste, Isabelle Payan, habitante de la commune et victime, témoigne. On a fait réveillon et on n'avait pas assez de pain. On est parti chez le boulanger à 2h du matin. C'était la fête de la motte du 15 août. Et on a fait le réveillon. Et voilà, et mes amis ont été malades et moi aussi. On a commencé à avoir des vomissements, des coliques. Et puis après, on ne pouvait pas dormir. Et puis on se levait, on ne savait pas où on était. Enfin, on partait en vélo. Moi, je parlais, il y en a qui faisaient l'avion en réaction par les fenêtres. Et on était fada, c'est le cas de le dire. Première piste à laquelle s'intéressent les gendarmes, les conserves. À cette époque, elles sont souvent source de contamination. Pourtant, très vite, les hommes du capitaine Bertrand doivent se rendre à l'évidence, la plupart des familles n'en ont pas consommé. Plus tard, on se tournera vers l'eau. L'hypothèse fera son chemin avant d'être elle aussi abandonnée. Pendant ce temps, à Pont-Saint-Esprit, le nombre de malades augmente et atteint des proportions inquiétantes. Ils sont désormais plus d'une centaine. Parmi eux, des habitants de Pont-Saint-Esprit, bien sûr, mais aussi ceux d'autres petites communes avoisinantes. Chez certains, les pathologies sont graves. C'est le cas de Félix Mison, 56 ans, cultivateur à Carsan. Selon les informations rapportées par des journalistes, l'homme aurait fait un malaise dans l'après-midi. Puis, il aurait été saisi en pleine nuit d'une agitation soudaine et violente. En pleine crise, il aurait tenté de quitter sa ferme. Toujours d'après ce qu'on peut lire dans la presse, il hurlait sauvagement et il a fini par s'effondrer, tout tordu sur son lit. Si les informations qui le concernent demeurent liées aux interprétations des journalistes, une chose est certaine. Le lendemain, lorsque le docteur Gabay examine Monsieur Mison, l'homme est toujours très agité. Quand le médecin lui présente une seringue remplie de morphine, le malade se serait redressé et aurait crié « Ne me touchez pas, je suis une torche enflammée, mes pieds trempent dans les flammes ». Le docteur Gabay appelle une ambulance. On transfère M. Mison à l'hôpital psychiatrique de Nîmes. Afin de tirer cette affaire d'intoxication au clair, le docteur Gabay interroge Marie Mison, la femme du malade. Elle est catégorique. Durant les dernières 48 heures, elle et son mari n'ont pas mangé de conserve et n'ont bu que de l'eau provenant de leur puits. Quant à leur repas, il était uniquement à base de pommes de terre, de fromage et de pain. Du pain. Le docteur Gabay établit immédiatement le lien avec d'autres témoignages, et en particulier celui de la famille Moulin, elle aussi décimée. On sait que ses membres ont mangé beaucoup de pain. Dans l'urgence, le médecin réunit ses deux autres confrères, le docteur Vieux et le docteur Chabac, ce dernier étant lui-même atteint de certains symptômes. Chacun présente les récits de ses patients. Après concertation, ils en arrivent au constat que c'est le bain, oui, le dénominateur commun de toute cette affaire. Dimanche 19 août, les médecins préviennent le maire de Pont-Saint-Esprit, Albert Hébrard. Celui-ci alerte à son tour le parquet de Nîmes, la préfecture, les services de santé et demande l'ouverture d'une enquête. Des policiers et des experts en tout genre arrivent aussitôt en ville pour procéder au premier constat et prélèvement. De son côté, le docteur Vieux fonce dans l'une des 5 boulangeries de la ville, celle du 29 Grand Rue. Le commerce appartient à un certain Roque Brillant. Le médecin en est sûr, c'est de cette boulangerie que vient le pain qui a intoxiqué tous ses patients. Des années plus tard, il raconte la scène. C'est le dimanche matin, vers les 11h, que je suis allé à la boulangerie. Monsieur Brillant était absent et j'ai dit à sa fille qui servait, j'ai l'impression que votre pain est toxique. Et elle m'a répondu, vous n'êtes pas le premier à me le dire, évidemment, il doit y avoir quelque chose d'anormal. Immédiatement, la nouvelle fait le tour de la ville. Le pain qui sème l'inquiétude et la panique. Déjà, c'est un drame. Le pain, l'élément nourricier par excellence, un peu comme le lait. Le choc est d'autant plus fort. Et puis chacun se demande s'il ne sera pas la prochaine victime de celui qu'on appelle déjà ici le pain maudit. Quant au boulanger Roque Brillant, les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. Certains l'accusent d'avoir intentionnellement empoisonné sa farine, d'autres affirment qu'il est un homme négligent. Quelques habitants prennent tout de même sa défense. Pour eux, il n'a fait qu'utiliser une farine qui était sans doute déjà contaminée. Contaminée, oui, mais par quoi au juste? Pour l'instant, les 3 médecins n'écartent aucune piste. Lundi 20 août. 3 jours après le début de la crise, alors que les habitants de Pont-Saint-Esprit cherchent toujours à comprendre ce qui leur arrive, l'affaire connaît un tournant dramatique. En fin de journée, l'hôpital de Nîmes appelle le docteur Gabaye et lui annonce que Monsieur Mison, souvenez-vous l'homme qui a fait une crise de démence dans sa ferme après avoir mangé du pain, est mort. En ville, l'émotion est considérable. C'est le pain qui tue, lance un commerçant. C'est la faute du boulanger, crie un autre. La situation bascule dans la psychose et pour certains, elle atteint désormais un seuil critique. Le mercredi 22 août, par mesure de précaution, le maire décide de fermer la boulangerie de Roque Brillant et d'interdire la vente de pain dans toute la ville. La population se reporte alors sur les biscottes. Dans les jours qui suivent, on tient plusieurs réunions de crise à la mairie. Les 3 médecins, les docteurs Vieux, Gabaye et Chamac, y assistent. Et pour la première fois en public, l'un d'eux évoque une piste. Après avoir demandé conseil à plusieurs de ses confrères à Montpellier, le docteur Gabaye, lui, explique qu'il est possible que la ville soit touchée par la résurgence d'une maladie moyenâgeuse appelée le mal des ardents. Imprévisible et brutal, le mal des ardents, qu'on connaît aussi sous le nom de feu de Saint-Antoine, a longtemps été associé à un caprice du diable. Pendant des siècles, il a sévi dans les campagnes françaises. À chaque fois, le scénario était plus ou moins le même. Du jour au lendemain, sans qu'on ne comprenne comment ni pourquoi, des paysans tombaient malades. En 1778, on découvre que c'est un champignon contenu dans la farine de seigle, l'ergot, qui en est à l'origine. Les habitants de Pont-Saint-Esprit seraient-ils à leur tour victimes de cette maladie, l'ergotisme? Quoi qu'il en soit, l'histoire est fascinante et on l'affiche en une des quotidiens. Certes, l'hypothèse de l'ergot tient la route quand on sait que les malades les plus atteints avaient consommé une grande quantité de pain. Et surtout, elle est renforcée par la terrible soirée du 24 au 25 août 1951 qui fut une nuit d'épouvante. Du côté de l'enquête, face à de nouveaux décès, face aussi à l'inquiétude dans l'opinion, il faut faire vite, très vite. La piste de l'ergot a un avantage, elle permet de désigner rapidement un coupable, ou plutôt deux. Le 31 août 51, en effet, un boulanger de Saint-Martin est arrêté. Dans la foulée, le meunier de la Vienne, qui lui a vendu la farine, est lui aussi placé sous les verrous. Pour beaucoup, la justice semble avoir tranché en faveur de la piste de l'ergotisme, l'affaire est donc entendue. Seulement voilà, 2 mois plus tard, à la fin octobre, alors que plusieurs personnes sont toujours malades, le dossier judiciaire s'effondre. Faute de preuves crédibles, le boulanger et le meunier sont relâchés. Quant aux expertises scientifiques, elles se révèlent confuses et parfois même contradictoires. Alors, S'agit-il, oui ou non, d'une intoxication à l'ergot? Ou existe-t-il une autre explication? Pas de réponse. Les mois et les années passent, le mystère autour du pain maudit de Pont-Saint-Esprit reste entier. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite et à Pont-Saint-Esprit, les biscottes ont complètement disparu. En avril 1958, 7 ans après le drame, l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit s'invite de nouveau à la une de l'actualité. Pour la première fois, la justice délibère sur l'affaire. Dans son jugement, le tribunal d'Uzès condamne l'union meunière du Gard et le meunier, un dénommé Maillet, pour avoir mélangé une farine de seigle avariée avec de la farine de blé. Devant les enquêteurs, l'homme avait reconnu les faits et avoué avoir voulu profiter de la situation pour gagner de l'argent avant de se rétracter quelques semaines plus tard. En 1960, lors du procès en appel à Nice, les experts se contredisent. La thèse de l'intoxication à l'ergot ne fait plus consensus. Et à la surprise générale, le meunier est finalement relaxé. Il faudra attendre la décision de la Cour de cassation en 1975, soit 24 ans après les faits, pour que la justice se prononce et ferme le dossier. La meunerie du Gard est jugée responsable, tout comme le boulanger Roquebriant. Une condamnation pour la forme, car l'homme à l'origine de la fabrication de la fournée de pain dit « maudit » est mort 5 ans plus tôt. À Pont-Saint-Esprit, les années passent, mais les plaies demeurent vives. Regroupés en associations de victimes, les habitants continuent leur combat pour la vérité, car personne n'a oublié ces terribles journées d'août 1951. Et l'affaire du pain maudit reste pour beaucoup un épisode traumatique et honteux. Parmi ceux qui acceptent de témoigner face aux journalistes, il y a l'épicier de la ville, Monsieur Karl. Assis dans son salon, il raconte. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors il est évident que quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Eh bien, mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne rime absolument à rien, sans arrêt, à compter les perles d'un rideau qui se trouvait dans la pièce, ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. Est-ce que si tu tombais en bas, tu te ferais mal? J'étais attiré par cette espèce de gouffre que je sentais, cette cage d'escalier, mais j'étais cependant assez lucide pour ne pas vouloir sauter, ne pas faire de bêtises. Après quelques minutes, M. Karl s'interrompt. L'homme fait signe à sa fille, une adolescente, de le s'approcher. Celle-ci vient le rejoindre et il reprend son histoire. Je peux très bien témoigner, ma jeune fille, malheureusement, ne s'en rappelle plus. Comme je disais tout à l'heure, elle avait 5 ans et demi à ce moment-là. Eh bien, elle avait des crises terribles d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas. Donc, mais vous vous souvenez de quelque chose, mademoiselle ? Oh, rien du tout, monsieur. À entendre M. Karl, il ne fait guère de doute que sa fille et lui ont bien été intoxiqués par une substance de type hallucinogène puissante. Bon, mais de quelle nature, précisément ? Après l'ergot, une seconde grande hypothèse est avancée. Une contamination de l'eau du meunier par le mercure. En s'inspirant d'un problème qui s'était posé auparavant en Suède, certains experts estiment possible qu'un fongicide agricole, le panogène, substance qui sert à tuer les champignons parasites des végétaux, ait pu contaminer la farine de blé. La piste semble sérieuse, mais plusieurs études pharmacologiques démontreront qu'elle est infondée. Ainsi, en 1981, 30 ans après le drame de Pont-Saint-Esprit, on ne sait toujours pas quelle en est l'origine. On ne peut que constater les dégâts. Ce malheur a frappé plus de 300 personnes à Pont-Saint-Esprit, nécessitant l'internement en hôpital psychiatrique de 60 d'entre elles. Et surtout, il a tué 5 personnes. Il faut attendre 2010, soit un demi-siècle plus tard, pour que l'épineux dossier du pain maudit fasse un surprenant retour à la une de l'actualité, comme ici, dans le journal de 20h de France 2. Notre grand format ce soir est cette enquête. En 1951, un village du Gard, le village de Pont-Saint-Esprit, était frappé par un coup de folie collectif. Des scènes d'hallucination et cela durant plusieurs jours. Depuis 60 ans maintenant, différentes théories circulent sur cette affaire. Aujourd'hui, un journaliste américain affirme avoir percé le mystère. L'armée américaine aurait mené une expérience en arrosant le village d'une drogue, le LSD. Dans un livre, ce journaliste, Hank Albarelli, affirme donc que la CIA est à l'origine de l'affaire. Grâce à un document interne, aujourd'hui déclassifié, il explique que l'intoxication de Pont-Saint-Esprit était en réalité une opération grandeur nature visant à expérimenter les effets du LSD sur la population. Toujours selon cet homme, l'armée américaine aurait aspergé les champs avec des avions militaires furtifs. Si cette thèse fait rapidement sourire les historiens et autres spécialistes en toxicologie, Hank Albarelli est pourtant convaincu qu'il a trouvé le fin mot de cette affaire. Et il le dit par téléphone aux journalistes de France 2. Je suis tombé sur un grand nombre de références à Pont-Saint-Esprit, qui étaient citées dans des documents de la CIA, de l'armée américaine et même de la Maison-Blanche. Et après 2 ans d'enquête sur Pont-Saint-Esprit, j'ai découvert que le village avait été la cible d'une expérience américaine. Sur place dans le Gard, les habitants de Pont-Saint-Esprit ne sont pas convaincus par cette surprenante piste de la CIA. Et pour cause, pourquoi faire une expérience ici, si loin de tout, et en particulier des États-Unis ? Comment expliquer que sur les 5000 habitants, seuls 300 aient été touchés ? Non, Décidément, la piste d'une opération secrète de la CIA est certes séduisante pour la presse, mais tient-elle vraiment la route ? Ce qu'on peut quand même lui reconnaître, c'est qu'elle traduit tout l'intérêt que constitue encore ce mystérieux dossier. Une affaire qui, rappelons-le, n'a toujours pas trouvé d'explication scientifique depuis bientôt 66 ans. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le pain maudit de Pont-Saint-Esprit, avec notre invité Stephen Kaplan, bonjour. Salut. Vous êtes historien, professeur d'histoire européenne à l'université américaine de Cornell, et vous êtes l'auteur, et donc invité escalité, du livre intitulé « Le pain maudit, retour sur la France des années oubliées, 1945 jusqu'à 1958 », paru aux éditions Fayard en 2008. C'est une belle somme, c'est plus de 1000 pages. Je n'oublie pas que dans votre titre, il y a la France des années oubliées, donc de 1945 à 1958, c'est la 4e République qui a présidé tout de même à la reconstruction de la France, qui a mené des dossiers très compliqués comme ceux de la colonisation. Elle s'est effondrée sur le dernier, sur l'Algérie, d'accord, mais tout cela dans une vitalité démocratique exemplaire de régime parlementaire. En quoi cette 4e République et cette France de la 4e République est-elle selon vous oubliée? Écoutez, c'est une historiographie à dominante politique et on a en quelque sorte évacué le social. On a en quelque sorte évacué l'humain tout en insistant à juste titre sur la reconstruction comme un projet politique, comme un projet économique. Je crois qu'entre la libération et le retour du général de Gaulle, il y a comme un vide. Et quand j'ai commencé à creuser cette histoire de Pont-Saint-Esprit, d'abord une histoire de drames humains. Mais puis après, j'ai compris que c'était la clé peut-être à l'histoire sociale, justement oubliée, de cette France qui sortons de la guerre et meurtrie. La France est dévastée et la France a faim. Et je crois que cette histoire de manque de pain pèse énormément sur la France depuis tout en haut jusqu'en bas. Donc ce serait cette histoire-là comme un échantillon de cette France-là. Hein, en quelque sorte, c'est une métaphore, c'est une espèce d'histoire en microcosme, une micro-histoire, c'est une histoire émouvante, mais une histoire qui est à la fois une histoire des gens qui ont beaucoup souffert et un pays qui, pour diverses raisons, ne pouvait pas admettre que ça soit une faute nationale, une faute politique, même une faute technique. Donc l'État fait tout pour étouffer une affaire qui avait profondément perturbé une population qui, encore aujourd'hui, reste meurtrie. Je salue les spiritpontins auxquels j'ai dédié mon livre. Ils ont vraiment mal vécu, et à juste titre, toute cette histoire. Les spiripontins, les habitants de Pont-Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien sûr, la majorité des protagonistes de l'histoire sont morts maintenant. Mais on en parle encore, leurs enfants en parlent. Ça, c'est encore dans la vie, dans les têtes, cette affaire-là? Parfaitement. Très difficile de faire parler les gens. Et quand j'ai présenté mon livre là-bas, devant une grande salle, j'ai senti une profonde émotion. Les gens avaient envie de savoir, finalement, de quoi s'agissait. De quoi s'agissait-il? Et moi, je n'ai pas pu apporter une réponse définitive. Je pouvais écarter certaines réponses ou certaines hypothèses, mais encore aujourd'hui, on n'est pas sûr à propos de ce qui s'est passé. On est sûr. On y reviendra. Oui. On y reviendra. Parce que je voudrais savoir comment vous avez travaillé pour écrire ce livre. Quel document, quand même, j'ai des 1000 pages. Vous avez rencontré beaucoup de gens, vous avez interviewé beaucoup de personnes, j'imagine. Est-ce que la parole est libérée ou est-ce que c'était difficile parfois? Très, très difficile. Faire parler surtout les spiripontins était compliqué. J'ai envoyé ma fille, qui est plus diplomate que moi, aujourd'hui journaliste au Financial Times, après avoir été à France 24. Était à l'époque sortie fraîchement de la fac de droit de Harvard. Elle s'est installée comme anthropologue pendant plusieurs mois et elle a essayé de faire parler les gens par la patience et par la passion qu'elle avait pour leur déchirement existentiel. Elle a donné pas mal de choses, elle a obtenu pas mal de choses, mais ça ne suffisait pas. Il fallait autre chose, il fallait des sources. Documentaire, il fallait des sources officielles, il fallait des sources de la meunerie qui avait été plus ou moins mise en cause, cachée dans son premier temps. Il fallait faire ouvrir des archives que jusque-là n'étaient pas ouvertes. Et puis il y avait des surprises. J'avais un copain, je ne savais pas, qui était le neveu de Monsieur Hébrard, le maire. Donc, j'ai trouvé des papiers de ce côté-là. J'ai rencontré un superbe pharmacologue, toxicologue de l'Hôtel Dieu, dont le père avait été mêlé dans cette affaire-là. D'autres papiers me tombent entre les bras. Donc, il y avait des accidents, mais aussi beaucoup de persistance. Je suis un homme tenace et je n'abandonne pas très, très facilement. Et la preuve, l'administration de la preuve, dans ce monde où on nous annonce aux États-Unis qu'on est dans un monde post-vérité, je crois toujours qu'on peut s'approcher d'une certaine vérité par une grande rigueur et par beaucoup de transpiration. Puisque vous dites que, en tant que métaphore de cette France-là, qui est, vous dites la France a faim, donc forcément les responsables au pouvoir sont aussi comptables de cela, même s'ils n'y peuvent rien eux-mêmes. Est-ce que vous pensez, comment ont réagi les autorités nationales par rapport à cette histoire qui devait les mettre, pour toutes les raisons précitées, assez mal à l'aise? L'histoire du XXe siècle pour le pain, pour la boulangerie, c'est une double histoire. De la détérioration de la qualité de façon importante, une désaffection pour le pain, un soupçon que le pain était peut-être la cause de pas mal de maladies. Donc le pain était accablé, notamment par les gens qui croyaient que c'était la cause des maladies de civilisation, les maladies comme le cancer ou la maladie cardiaque. Et puis de l'autre côté, la consommation tombe pour de bonnes raisons, c'est-à-dire tombe de 600 grammes par tête au début du siècle à aujourd'hui 120-125, parce que on est plus prospère graduellement, parce que le régime alimentaire se diversifie. L'État sortant de la guerre, c'est autre chose. Il n'y avait que le pain pour la vaste majorité des gens. Et mettre en question le pain, c'est mettre tout en question. C'était pas possible. Donc l'État a été extrêmement sensible et refusait d'admettre, et d'ailleurs a fait tout pour étouffer l'affaire sur toute la ligne. Sauf qu'il y a la presse. Et quand l'État fait tout pour étouffer une affaire, mais il y a la presse qui est là, justement, ça l'empêche de l'étouffer. Mais vous, il me semble que dans votre analyse, vous vous n'accablez pas la presse, mais il me semble que selon vous, à vos yeux, elle a joué un rôle qui n'a pas été positif. Oh, si, la presse interroge. Et je crois que en mettant en question les gens, la presse joue toujours un rôle important, mais il y avait une presse, comme toujours, qui était extrêmement divisée, une presse qui était idéologiquement engagée. L'Humanité avait une attitude à l'égard de Roch Briand, parce que Roch Briand était un gaulliste, un catholique, le maire socialiste et protestant dans un pays qui avait été divisé par la religion depuis toujours, avait une autre presse qui était derrière lui. La presse nationale était influencée par la meunerie qui avait beaucoup de moyens, et surtout l'État ne voulait pas admettre la possibilité que la France était susceptible à ce genre de carence. Car il y avait un organisme de l'époque, l'Office national interprofessionnel des céréales, qui avait des officines partout, qui était un organisme tentaculaire, et il était censé de se charger, pas simplement de la répartition, mais de la qualité. Or, il y avait des parties de la France, dans cette république, qui sur le plan alimentaire, étaient terriblement inégalitaires. Il y avait des départements qui étaient des dépotoirs, littéralement, d'une mauvaise farine. Et en l'occurrence, la farine à Pont-Saint-Esprit a été envoyée par l'Union meunière de la Vienne, qui était un département excédentaire, le gars, un département déficitaire, et donc dans une passivité totale. Or, l'histoire de Pont-Saint-Esprit était la première histoire gravissime, mais dans le gars, pendant tout l'été et avant, il y avait des coliques, il y avait des gens qui poussaient des boutons, il y avait des histoires de toutes sortes. À l'époque, peu de téléphones, communication extrêmement difficile, donc ça ne se savait pas. Alors, pour clore sur ce chapitre du pain, c'est important, parce qu'effectivement, l'histoire est passionnante, elle est fascinante, mais elle trouve son sens précisément dans l'explication de ce contexte avec le pain. Je vous propose d'écouter une archive, le discours de celui qui était ministre de l'Agriculture entre 1944 et 1945, François Tanguy Prigent. Alors, c'est avant les faits, mais ça annonce hein, quand même l'état d'esprit. Et justement, ce ministre de l'Agriculture aborde la question du rationnement du pain. De l'établissement de la carte de pain a suscité dans le pays une certaine émotion. Cette émotion est malheureusement exploitée par des éléments troubles qui ont parfois réussi à créer une agitation assez vive dans certains centres. Cela ne peut être toléré, car c'est en même temps l'alimentation des travailleurs et l'ordre public qui sont en jeu. Le gouvernement a rétabli le rationnement et réduit la ration des adultes parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, dans l'état présent de nos stocks, d'assurer l'approvisionnement en pain de tous les Français. Là, en 1945, est-ce qu'en 1951, en termes de rationnement, ça va mieux quand même? À peine, la France est toujours en disette, est toujours en pénurie, est toujours extrêmement vulnérable. Et c'est pour ça qu'on est dans un moment quasi soviétique. L'État rachète toute la récolte. La récolte est mise dans des ce qu'on appelle des organismes stockeurs. Les meuniers n'ont pas le choix de leur fournisseurs, ils sont affectés à des coopératives ou à des négociants. Les 54 000 boulangers, 10 000 meuniers, 54 000 boulangers, eux, sont affectés d'office à des meuniers. Pas de commerce, pas d'échange, mais un système autoritaire. Non pas gratuitement autoritaire, mais autoritaire parce que l'État a peur que sans cette organisation-là, on n'allait pas pouvoir donner à manger à tous les Français. Donc l'État impose un taux d'extraction pour une farine, ajoute des succédanées, de la pomme de terre, du seigle, selon votre prix Nobel, le Clésio, des sciures de bois. Il prétend avoir failli mourir quand il était gamin à cause de cela. Donc, le pain, c'est une affaire nationale, c'est une affaire qui mobilise tout le monde, et c'est ce système extrêmement rigide, évidemment, n'est pas fait pour plaire à tout le monde, et c'est vrai qu'il y avait des inégalités terribles. On mangeait beaucoup mieux en ville qu'à la campagne, beaucoup mieux dans le nord que dans le sud. Alors, on revient à notre histoire et on fait un petit détour par ce qu'a été le comportement de la justice. Quel est votre regard sur le travail de la justice sur cette affaire-là? Bon, on sent qu'elle est un peu démunie quand même, hein, Démunis, certainement, il y avait d'abord une science qui était embryonnaire dans ce domaine-là. Il y avait, hélas, un type qui était chargé du laboratoire à Marseille, qu'on appelait un agrégé de la libération, de la résistance. Enfin, il était promu peut-être trop rapidement. Il savait pas ce qu'il faisait. C'était pas un bon toxicologue. Il y avait des intérêts divers. La santé ministère était en tension avec l'intérieur qui, lui, était en tension avec la justice. Il y avait des moyens qui étaient extrêmement compliqués. On savait tous que les gens de Sandoz, laboratoire donc à Bâle, en Suisse, c'était le centre des études sur l'ergotisme. On aurait pu faire venir ces gens-là officiellement pour trancher rapidement cette affaire-là. Ils sont venus, Albert Hoffmann, avec Stoll, le fils de son patron, mais en catimini, grâce à un doyen extrêmement dynamique à Montpellier qui gouvernait sur la médecine dans le sud de la France. Il s'appelait Monsieur Giraud. Monsieur Giraud était fasciné par le retour du refoulé. Les gens de Sandoz lui ont dit « c'est pas ça ». Mais Giraud y tenait énormément. Il croyait qu'il y avait une espèce de d'occurrence spontanée de LSD-25, qui est un synthétique, et il tenait les médecins. Il refusait à donner l'autorisation aux médecins de parler au juge, mais c'était une histoire extrêmement compliquée. Alors on va en arriver. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, en termes d'histoire, hein, pour le coup, parce que on s'aperçoit en discutant avec vous à quel point l'affaire est politique. Hein, ça c'est clair, c'est net et c'est passionnant. Maintenant sur l'affaire. Alors donc l'ergot, panogène. Est-ce que vous êtes convaincu par cette hypothèse? Éliminons tout de suite l'ergot. L'ergot pour deux raisons. J'ai visité le moulin de Maillet à Saint-Martin. Je connaissais bien la meunerie, j'ai vu l'enquête de 36, donc je connaissais de quoi s'agissait. Son moulin avait une chambre de farine où on faisait un minimum de 100 kilos à la fois. Comment explique-t-on que la toxicité de cet empoisonnement par l'ergot se trouve uniquement dans deux sacs de farine et pas dans tous les autres, que les animaux qui avaient mangé les issues n'en étaient pas malades? Première chose, statistiquement, ça tient pas la route. Deuxième chose, j'ai rencontré le type Roland Guinet, un boulanger formidable qui avait dirigé une école à Paris, qui était laborantin à l'époque, et il a cuit le pain avec des doses montantes de l'ergot de seigle, et dans une dose qui n'était pas encore toxique. Le pain était d'une couleur violacée, puant un peu le poisson pourri. On aurait su immédiatement, pas que c'était de l'ergot, mais que c'était un pain immangeable. Voilà, il y a un problème. Donc il y a là un vrai problème. On va écouter une dernière archive justement sur l'ergot, la façon dont le docteur Gabaye, hein, l'un des trois médecins de Pont-Saint-Esprit, au moment de l'affaire, en parle. L'ergot de seigle peut pousser à tout bout de champ. Mais vous voyez, cette thèse dont je vous parlais de désintoxication ergotée est une thèse qui relate tout un tas d'intoxications qui sont produites au cours des temps. C'est-à-dire que Lupin me dit on pourrait en manger demain. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, voilà, c'était juste son avis. On a entendu le vôtre, de faire un commentaire sur ce qu'il vient de dire. Non, bon, mais écoutez, Gabaye était un type fascinant. Il était un homme extrêmement dévoué. Il travaillait avec son patron qui était le doyen Giraud. Il a écrit un article 15 jours après, quand on dit publier ou périr. Voilà un exemple. Je crois que la fascination des médecins, c'est encore une autre histoire. Ils étaient à la fois très très dévoués cliniquement à leurs patients, mais il y avait là une fascination intellectuelle qui était énorme. Comme je disais, ce retour de refoulé, c'est pas possible. Nous avons retrouvé l'ergotisme de Grunewald, de Bosch, de ces grandes peintures horribles où les gens perdent leurs organes. Donc je crois que là, les médecins ont un peu trop insisté. Alors qu'est-ce que vient faire on est 18 ans à Woodstock, qu'est-ce que vient faire le LSD là-dedans? L'LSD, donc, c'est un acide lysergique. Hein, c'est un synthétique qui est créé à la base de l'ergotine. Donc, ah, voilà, d'accord. Donc l'hypothèse de Giraud et de ses médecins autour de lui, c'est que, parce que, bon, il y a deux types de d'ergotisme. Ergotisme gangreneux, ça où on perd ses bras, les jambes tombent quand on est infecté, après ils vont manger beaucoup de pain pendant de très longues périodes. Il y a l'autre, ça c'est en France et dans le sud. Au nord et en Russie, c'est l'ergotisme convulsif où il y a une dimension, disons, neuropsychiatrique. En France, c'était quasiment inconnu. L'hypothèse de doyen Giraud, c'était qu'il y avait un cas de génération spontanée de LSD dans ce pain-là. Les gens comme Rotlin à Sandoz a dit ce n'est pas possible. Ils ont expliqué pourquoi. Regardez les deux tableaux cliniques. Il y avait une latence de 3 jours, 4 jours à son Pont-Esprit après avoir mangé le pain, avant d'avoir eu des symptômes. Vous prenez l'LSD, je l'ai fait d'ailleurs, vous avez une latence de quelques minutes, oui, ou de quelques heures, pas plus. Et après ça part. Avec LSD, vous n'êtes pas dupe. Vous savez que vos hallucinations sont des hallucinations. Oui, c'est ça. Quand vous êtes malade à la Pont Saint-Esprit, vous êtes absolument terrifié. Bon, on peut lister, il y a tellement de différences entre les deux. Donc c'est pas ça. Donc c'est juste pas possible. Mais c'était une belle hypothèse. Bah oui, enfin je sais pas pourquoi je dis vous. Si, si. Bon d'accord. Vous pouvez témoigner, vous. Alors, je vous écoute. Non, je veux dire que quand les médecins à l'époque disent on est en train donc de revoir quelque chose d'historique, et puis ils font une hypothèse qui est intéressante, et il fallait que des experts comme Hoffman, créateur, inventeur, si je puis dire, de LSD, disent non, il n'y a pas de LSD spontané, c'est un produit synthétique. Bon, enfin, donc le LSD, on écarte. Quand même, ces gens, effectivement, ça va très très loin, leur délire, parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils ont des hallucinations. Ils sont dans l'hallucination. Exactement. Bien, alors, on va en arriver, parce que moi j'aime bien cette thèse, parce que elle est, on va pas dire qu'elle est amusante, mais elle est quand même très fascinante, cette thèse invérifiable de 2010, défendue par un journaliste américain autour d'une opération secrète menée par la CIA à Pont-Saint-Esprit. C'est un trompiste avant la lettre qui croit aux faits alternatifs. Il n'a pas fait une recherche sérieuse, il lisait même pas le français, il savait pas de tout ce que c'était dans le dossier, il a trouvé des mentions ici et là. Évidemment, l'armée américaine était intéressée par cette affaire-là. Moi, j'ai trouvé dans les archives de Sandoz des demandes de la part de l'armée américaine d'avoir des échantillons, parce qu'ils voyaient la possibilité de créer une arme. Et on est où? On est dans le début de la guerre froide, on est juste avant Corée, on est juste avant... C'est sûr. Oui. Donc, on prétendait à l'époque qu'on avait, perçu des sous-marins soviétiques dans le Rhône qui étaient à peu près 2 mètres de hauteur, de profondeur. Le problème avec l'hypothèse, à part tout le reste, c'est que la France est où là? La France, pour les États-Unis, est presque entre les mains des communistes. 30% des voix sont des voix communistes. La priorité américaine, c'était de rassurer la France, donner le plan Marshall, donner à manger, et certainement pas prendre comme champ d'expérience une petite ville qui avait été bombardée par les Américains et détruite à moitié pour empêcher donc la retraite des Allemands. Deuxième chose, LSD est extrêmement puissant. Ça, je peux vous le dire, une toute petite quantité est extrêmement toxique. Or, vouloir comme un vecteur de diffusion mettre ça dans des avions et un peu partout et ne toucher que 300 personnes, en fait même 50 personnes, parce que la démence entre guillemets était limitée à ce nombre-là, c'est simplement de la connerie. Oui, bon, c'est vrai qu'à côté de ça, Woodstock aurait paru bien gamin, hein, si toute une ville était sous LSD. Non, le complotisme est toujours une affaire qui marche. Bon, bah oui, mais cela dit, quand même, moi je retiens que les Américains ont été intéressés par l'affaire. Voilà, c'est intéressant quand même de savoir qu'ils ont été intéressés, bien sûr, même s'ils s'en sont pas servis. Merci infiniment, Stéphane Kaplan, pour toutes ces précisions issues d'un gros travail. Hein, vraiment, ce livre que je vous conseille de lire. Il faut avoir le temps, mais c'est passionnant. Merci, au revoir. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, l'affaire du pain maudit, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le dossier Alstom.